propre cage. C'est juste une illusion, à peine une sensation, qui dirige tes pas et te montre du doigt où tu vas, où tu vas. Juste une illusion, comme une bulle de savon, qui s'approche de toi, que tu touches du doigt, puis qui s'en va. Approche de toi.